Chapitre 8e, les recherches. Pedro Diaz avait profité des dernières heures de la nuit pour organiser une battue dans les environs. Job, d'après les indices recueillis, était parti à pied et l'on ne pouvait manquer de le rejoindre en se mettant sur le champ à sa poursuite. Cette battue devait avoir lieu dans trois directions, celle de San Antonio à l'océan Atlantique, celle qui conduisait à l'océan Pacifique et enfin la route qui remonte vers le Texas. Dans les deux premières directions, on rencontrait de hautes montagnes et les voies qui les côtoyaient, remplies de précipices et faciles à être explorées, rendaient inévitable la capture du fugitif s'il s'y était aventuré. La route qui se dirigeait vers le Texas était traversée par d'immenses prairies dans lesquelles un individu pouvait se cacher et échapper à tous les regards. Pedro, qui avait divisé ses éclaireurs en trois escouades de 4 hommes chacune, se réserva cette dernière route qui présentait le plus de difficultés. Les 3 troupes de péons sortaient de la hacienda au moment où Don José venait d'y entrer. Ignorant le but de cette expédition nocturne, il s'enquit près du Texien de la cause de ce déploiement insolite de serviteurs. « Le gambuccino qu'on a engagé sur votre recommandation s'est enfui, » répondit Pedro Diaz, « et nous nous mettons en campagne afin de nous emparer de lui, car il nous le faut mort ou vif. » « Comment ? Il s'est enfui ?» dit le bâtard, avec une vive surprise. « Vous arrivez sans doute de San Antonio ?» reprit l'intendant. « Ne l'auriez-vous pas aperçu de ce côté ?»« Non, » fit José encore étourdi de ce qu'il venait d'apprendre. Nous allons laisser Pedro et les péons à la poursuite du prétendu Job et nous retournerons près de Carmela et du capitaine Maresco. 2 heures après leur départ du chalet, ils se trouvaient en pleine prairie. Aussi loin que pouvait plonger le regard, on ne voyait qu'une mer mouvante de hautes herbes. De temps à autre, la prairie était coupée par un de ces nombreux rios auxquels la géographie n'a pas encore donné de nom. Pour continuer à s'avancer, il fallait les franchir, ce qui parfois n'était pas chose aisée, car quelques-uns de ces cours d'eau avaient plusieurs mètres de profondeur et leur île était escarpée. Alors on se trouvait contraint de faire d'assez longs détours pour rencontrer un gué praticable. Ces obstacles, qui se présentaient fréquemment, retardaient considérablement la marche de nos 2 voyageurs. Lorsque le soleil fut à son zénith, la chaleur devint intolérable. Le capitaine Maresco, tout ruisselant de sueur, proposa à Carmela de faire une petite station dans une forêt qui coupait la plaine. La créole accepta et ils profitèrent de ce temps d'arrêt pour déjeuner sous les épais feuillages des grands arbres. 1 heure après, leurs chevaux, qui avaient rencontré une herbe drue et tendre et un ruisseau, étaient suffisamment lestés et reposés et l'on se remit en marche. La forêt traversée, on se trouva de nouveau dans des plaines immenses. Mais à l'horizon, on voyait se dessiner les profils bleuâtres des montagnes au pied desquelles les Indiens devaient avoir établi leur campement. Pour peu que nous nous pressions, nous arriverions au camp avant la tombée de la nuit, dit Carmela. Marchons, répondit l'aventurier, en enfonçant ses éperons dans les flancs de sa monture. À mesure qu'ils avançaient, le terrain devenait plus accidenté et l'on apercevait distinctement les pics neigeux de la Sierra. Tout à coup, au détour d'un rocher qui se dressait en pointe comme une aiguille, les 2 voyageurs firent halte. 4 guerriers Comanches arrivaient sur eux à l'indienne, c'est-à-dire à la file l'un de l'autre. Lorsque celui qui marchait en tête fut arrivé à portée de la voix, il arrêta son mustang. « Nos frères, les visages pâles, dit-il en langue espagnole, sont sur le territoire de chasse de notre tribu. Qui viennent-ils y faire ?»« Nous venons, répondit Carmela, pour parler au chef redouté, le lynx des prairies, qui doit avoir établi son campement dans les environs. Ma sœur, que je n'avais pas reconnue d'abord à cause de son vêtement, a été bien renseignée, reprit le guerrier en s'inclinant. Si elle veut me suivre, je la conduirai auprès du chef. Mon compagnon peut-il venir avec moi ? Interrogea la créole en faisant un signe imperceptible au peau rouge. Je vais le demander, dit ce dernier qui avait compris la signification de ce signe. Il s'éloigna au galop. 5 minutes s'étaient écoulées à peine lorsqu'il revint. Le chef a décidé que la femme blanche pénétrerait seule dans le camp. Cette exclusion, quelque peu impertinente, fit froncer les sourcils au capitaine Maresco. Mais comme il n'était pas en mesure d'imposer sa volonté au lynx des prairies, il se résigna, malgré la révolte intérieure de son orgueil, à subir cette humiliation. Il descendit de cheval, s'assit sur un quartier de roc et alluma un cigare. Les guerriers Comanches mirent également pied à terre. Pendant ce temps, Carmela, sous la conduite de Peau-Rouge, arrivait au campement. Le lynx des prairies vint à sa rencontre et la fit entrer sous sa tente. « Ma sœur Blanche désire me parler, » lui dit-il en l'invitant à s'asseoir. « Je suis prêt à l'entendre. »« Chef, » répondit la créole, « autrefois, je vous ai rendu un service. J'ai été prisonnier des visages pâles, et vous avez pendant la nuit coupé mes liens. Qu'attend de moi aujourd'hui, ma sœur ? J'écoute. » Un chef des visages pâles, dit Carmela, doit traverser la prairie pour se rendre au port de Veracruz. Il aura avec lui une nombreuse escorte de serviteurs bien armés. Ce chef est mon ennemi, et je veux qu'à la faveur des ténèbres, on l'enlève au milieu des siens à leur insu. Mais pour cela, ma sœur, il faudrait que l'homme pâle fût endormi et qu'il ne se réveillât point. Il dormira et ne se réveillera pas. Si l'ennemi de ma sœur fait halte pendant la nuit au pied de la roche noire, à la sortie du canyon d'Oripas, ma sœur sera obéie. Il s'arrêtera toute une nuit au pied de la roche noire. Quel jour ? Sous 8 ou 10 jours, je ne puis préciser. On surveillera. Ce n'est pas tout. Lorsqu'il se réveillera, il sera fou. On lui aura donc fait prendre de la racine séchée pilée de la plante à la fleur bleue ? Oui. Une fois votre prisonnier, il faut qu'il ne puisse jamais retourner chez les visages pâles. Il suivra ma tribu dans les grandes prairies de l'Ouest. Bien. Maintenant, je veux encore autre chose. Parler. Celui qui m'accompagne ici est également mon ennemi. Eh bien, il se trouvera sur la roche noire pendant la nuit où vous enlèverez l'homme endormi. Vous vous emparez également de lui et... Il s'arrêta, comme incertaine de ce qu'il lui restait à dire. Faudra-t-il l'attacher au poteau du supplice ? Demanda le lynx des prairies, en remarquant que la voix de Carmela tremblait. « Non, » répondit-elle après un instant d'hésitation. « Non, qu'il vive, pourvu qu'il soit votre prisonnier comme l'autre, votre prisonnier pour toujours, vous entendez bien. Il suffit. »« Chef, » reprit la créole en se levant, « le jour fixé pour me délivrer de mes deux ennemis, je vous ferai remettre, comme récompense de ce double service, 60 revolvers à 6 coups et 2 caisses de cartouches. » Le lynx des prairies s'inclina en guise de remerciement. Puis, à son tour, il se leva et reconduisit sa terrible visiteuse jusqu'à l'endroit où le capitaine Maresco, assis sur un quartier de roche, l'attendait en fumant son cigare. Le chef commande jeta un regard, rien qu'un seul, sur l'aventurier. Puis il s'inclina de nouveau devant Carmela et il s'en retourna à son campement. Ce regard lui avait suffi pour graver dans ses yeux, d'une manière ineffaçable, le visage du capitaine. La belle créole et Maresco remontèrent à cheval. Lorsqu'il fut assez loin pour n'être pas entendu, l'aventurier, se penchant vers sa compagne, lui demanda si elle avait réussi dans sa négociation. « J'ai obtenu ce que je voulais, » lui répondit-elle. « Alors la réussite de ton projet est assurée, » reprit joyeusement Maresco. « Oui, et je suis toujours de moitié dans la succession, sans doute. « Vive Dieu, tu es une fille adorable, » s'écria le capitaine avec enthousiasme. « N'est-ce pas ?» fit Carmela avec un sourire dont l'expression étrange échappa à son trop crédule compagnon de route.